J'ai été condamné pour outrage, putain le procureur m'a allumé. 40 heures de tige, j'ai fermé ma gueule et j'ai assumé. Mais j'ai crié mon innocence, demandé de la reconnaissance. Rien à faire, le juge n'a pas voulu faire preuve de bon sens. Cause en connaissance de cause, injustice judiciaire, suivi de près et même devancé par leur bavure policière. Frère, les faits sont les suivants, la tête endommagée, défigurée, que j'ai gravé mon nom sur leur mur avec mon sang, comprends. La rage est profonde, marque du panier à salade, l'antisémitisme à la française, suivi par leur ratonnade. Mais on n'en parle pas, du FN des flics et des skins armés. On préfère montrer du doigt les groupes islamiques armés. Demande à Maigret s'il nous voit intégrer ce fils de putain. Donc à sauce d'immigrés qui fout le riff à son scrutin. Mon comportement est le fruit d'une réalité plein de haine et d'une jeunesse qu'on a vécu n'importe comment. Quelle liberté d'expression dans ce pays facho, où on exile ceux qu'en savent trop et assassine les marginaux. Richard le Grand, jugé pour viol a purgé 2 ans. Mohamed Diamoté, jugé pour viol a purgé 10 ans. Acte méprisant, regarde un peu, ça devient dangereux. La différence entre nous et eux, c'est 8 ans. On a beau se plaindre, mais on fait rien contre ça. Quand je vois le score du FN, je me dis qu'on peut contrer ça. Tant de fils d'immigrés, si on se mettait tous à voter, la France serait désemparée et l'adversaire serait humilié. Campagne électorale, chaque personne a des droits. Regarde la tête qu'il a quand je lui demande ma carte électorale. La morale, j'incite au vote, 5 minutes c'est quoi. Et plus particulièrement, je cause aux galériens qui votent pas. Tout comme moi, notre force la voilà. Donc à nous de le faire, passer à l'urne, afin qu'ils cessent de nous casser les burnes. Leur injustice, leur acte raciste et autres, l'armistice pour les nôtres, qui la fascine à d'autres. On est en guerre, frérot, c'est juste un simple fait divers. L'État veut notre peau, espérons qu'on sera aux choses d'hiver. Leur injustice, leur acte raciste et autres, l'armistice pour les nôtres, qui la fascine à d'autres. On est en guerre, frérot, c'est juste un simple fait divers. L'État veut notre peau, espérons qu'on sera aux choses d'hiver. Si on répond à leur provocation, là c'est perdu d'avance. Et si ça part en altercation, pour eux c'est légitime. Leur méthode d'interpellation sont souvent passées sous silence. Ils donnent leur interprétation, ça y est la séance est levée. Le juge a fait preuve de clémence, mais ça on savait. Y'avait pas égalité au niveau des chances. Donc ma parole face à la leur n'a aucun poids. Face à la loi, je pars avec un handicap, maintenant voilà. On sait que c'est comme as, faut pas se voiler la face. Y'a toujours cette angoisse qu'un de ces quatre arrive un sale coup de poisse. Père qu'ici Watt à 6h du mat pour du charas. Diser, mépriser ces sales races. On peut pas nous le reprocher quoi qu'on dise ou qu'on fasse. Cramé dans nos clichés, renfermé dans nos carapaces. Allez voter, c'est un droit et un devoir qu'on a. On est né sur le sol français, contrairement à nos remparts. Les élections arrivent, j'ai toujours pas fait mon choix. Par qui je me sens représenté, pas par un seul de ces mecs là. Où est la nécessité d'aller leur donner des voix? Empêche le FN de monter. Moi c'est comme ça que je le vois, sachant que celui pour qui je vais voter va pas changer quoi que ce soit. Faut juste éviter le pire, rectifier le tir. Arrêtez de jouer les martyrs ou on va toujours en pâtir. Tout ça l'avenir à bâtir, la jura et des choses à dire. Leur injustice, leur acte raciste et autres, l'armistice pour les nôtres, qui la fascine à d'autres. On est en guerre, frérot, c'est juste un simple fait divers. L'État veut notre peau, espérons qu'on sera aux choses d'hiver. Leur injustice, leur acte raciste et autres, l'armistice pour les nôtres, qui la fascine à d'autres. On est en guerre, frérot, c'est juste un simple fait divers. L'État veut notre peau, espérons qu'on sera aux choses d'hiver. Et cousin oublieuse, et constate par toi-même. Tu ne verras qu'un pays qui veut te voir soumis par son système. Un de blé facho, par ses lyriques je crache au visage de ceux qui jugent. Enferme nos refs au cachot. Une pensée à ceux qui sont partis avec la vérité. Tués par l'État mais corrompu est la réalité. Tout est prévu, tout est calculé à l'avance. On n'a pas le profil type, alors ils réduisent nos chances. Si on a le malheur de l'ouvrir, elle saura nous faire taire. Car Babylone a le pouvoir et l'exerce sur nos frères. Y a eu de nombreuses victimes et personne pour payer. Il n'est la bavure et l'affaire est classée. Arabes ou noirs, ils aimeraient tous nous foutre dehors. Par contre, ils sont fiers de nous quand on porte une médaille d'or. Ça sent, ils aiment les étrangers quand ils peuvent en tirer profit. Un étranger devient français quand il marque 2 buts pour ce pays. J'ai les yeux bien ouverts, on ne fera pas voir ce qui n'est pas. Liberté, égalité, fraternité n'existe pas. Leur injustice,